La croche oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue, c'est la Croche-Oreille, le rendez-vous hebdomadaire, le rendez-vous sonore, l'émission qui vous suggère une écoute différente. Et à ce propos, je vous propose ce soir une rencontre avec deux artistes sonores fort sympathiques, Emma Loriot et Julien Claus. Deux créateurs qui relèvent ce beau défi de combiner l'expérimentation sonore à une parole de l'instant présent, nous proposant une sorte de dramaturgie des ondes herdiennes, à la fois poétique, critique, mais surtout inspiratrice d'un monde qui serait toujours du côté du merveilleux. Je vous les ai présentés en 2018 lors de leur passage à Québec dans le cadre du Mois Multi, et je vous propose ce soir cette rencontre qu'ils m'ont accordée à propos de ce beau projet de radiophonie expérimentale intitulé « Modulation ». Un événement radiophonique qu'ils organisent et dont on a souligné le 10e anniversaire cet été, un grand laboratoire de création sonore et radiophonique qui a lieu en montagne chaque année dans le sud de la France. Alors, pour plonger sans plus tarder dans l'univers sonore de cet événement Modulation, on écoute ensemble un premier extrait. C'est tiré de l'édition 2020. Ça s'intitule « Le chant des machines » de François Parra et Fa Cesario. Et c'est suivi de cet entretien que m'ont accordé Emma Loriot et Julien Claus. Thank you. Julien Claus, Emma Loriot, bienvenue à l'émission. Très heureux de vous retrouver. Julien, Emma, je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce que c'était le 10e anniversaire de ce beau projet qui s'intitule « Modulation ». Et pour les auditeurs, j'aimerais que vous nous rappeliez un peu qu'est-ce que c'est que ce bivouac sonore en montagne, en milieu de campagne. Alors c'est un projet qui donc est né il y a 10 ans et qui a été pour moi une sorte d'hybridation de plusieurs choses. Il s'agissait dans des rencontres que j'organisais dans la Drôme à ce moment-là de proposer en contrepoint d'expositions, de performances et d'installations qui avaient lieu dans le village pendant la semaine, de proposer des projets en altitude sous forme de bivouac les week-ends qui encadraient cette semaine. Et donc Modulation est arrivé un peu comme ça parce que j'avais des émetteurs FM pour d'autres projets et m'est revenu plusieurs choses. D'une part, évidemment, le placard d'Eric Minkinen avec son principe très ouvert d'inscription libre et donc de marathon de performances comme ça qui se suivent sur une durée un peu longue. Et d'un autre côté, une expérience qui m'avait assez marqué, qui était en 2004, lors de l'amendement Mariani, ce préfet des Hautes-Alpes, qui avait donc fait un amendement permettant la saisie des centres systèmes afin de lutter contre le mouvement des free parties qui commençait à prendre de la taille en France. Et donc avait été organisée à Paris une manifestation, je me souviens c'était en partie sur les marches de la bibliothèque François Mitterrand, où pour éviter la saisie des centres systèmes, l'idée était de mutualiser les centres systèmes pour les rendre insaisissables, à savoir que chaque manifestant était invité à venir avec une radio, il y avait un émetteur dissimulé quelque part. Et donc cette mutualisation du centre système, moi, m'avait beaucoup plu, aussi pour des questions donc évidemment politiques, mais aussi écologiques, et de mutualisation des énergies en présence. Et par rapport à ce projet donc que je souhaitais faire en montagne, avec l'idée que le public doit y aller à pied, porter son matériel, être autonome pour se nourrir, etc., pendant 24 heures, ça correspondait très bien. Voilà, donc Modulation, ça a été une sorte de mix entre ce que j'appréciais du placard d'Eric Minkinen dans sa capacité à créer vraiment un espace de convivialité, et pas uniquement un espace d'écoute, mais une espèce de tuilage comme ça de deux choses qui fonctionnent toutes les deux de façon assez idéale simultanément, donc un espace de convivialité et un espace d'écoute, donc de retrouver ça et en même temps d'aller expérimenter ce que ça donnerait avec la radio. Joseph Kosutz. Un train de passagers met deux fois plus de temps à remonter un train de fret. À partir du moment où il a commencé à le doubler, que ces deux mêmes trains n'en mettraient pour se croiser. Quelle est la question et quelle en serait la réponse ? Yoko Ono, pièce pour dormir 1. Écrivez toutes les choses que vous voulez faire. Demandez à d'autres de les faire et dormez jusqu'à ce qu'ils aient terminé. Dormez aussi longtemps que possible. Pièce pour dormir 2. Écrivez toutes les choses que vous avez l'intention de faire. Montrez ça à quelqu'un. Laissez-le dormir à votre place jusqu'à ce que vous ayez terminé. Continuez aussi longtemps que possible. Imaginez 1000 soleils dans le ciel en même temps. Laissez-les briller pendant une heure. Laissez-les ensuite se fondre progressivement dans le ciel. Préparez un sandwich au thon. Mangez. Pièce de neige. Pensez qu'il est en train de neiger. Pensez qu'il est en train de neiger partout et tout le temps. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, pensez qu'il est en train de neiger entre vous et sur cette personne. Arrêtez la conversation dès que vous pensez que cette personne est couverte de neige. Pièce pour téléphone à écho. Procurez-vous un téléphone qui ne peut que faire écho à votre propre voix. Appelez chaque jour et parlez de beaucoup de choses. Pièce pour ombre. Assemblez vos ombres jusqu'à ce qu'elles se confondent. Pièce pour tomber. Sortez de vous-même. Regardez-vous marcher dans la rue. Faites-vous trébucher sur une pierre et tomber. Observez. Observez les autres en train de regarder. Étudiez attentivement la manière dont vous tombez. Combien de temps ça prend et à quel rythme vous tombez. Observez comme si vous étiez en train de regarder un film au ralenti. Joseph Cosette. Un groupe d'hommes évoquant leurs affiliations maçonniques finit par établir comme vrais les faits suivants. Chaque homme appartient à deux loges exactement. Chaque loge est représentée dans le groupe par exactement trois hommes. Toutes les paires de loges possibles ont exactement un membre du groupe en commun. Étant donné qu'il y avait six hommes représentant les quatre loges, quelle est la question ? Julien, dis-moi, ou Emma, comment ça se déroule concrètement, la modulation? Ça, c'est une activité qui s'étale sur deux ou trois jours, si j'ai bien compris. Mais alors, comment ça se déroule de façon un peu concrète, là, pour qu'on voit un peu l'esprit qui anime ces rencontres, ces journées, ces longues journées, à la fois d'échanges sur les ondes, mais aussi d'échanges sur le plan humain? Ben, un mois à peu près avant la date de l'événement, on envoie un appel par mail qui circule sur les réseaux, les nôtres, et puis ensuite ça fait boule de neige. Et c'est la seule information qu'on envoie à l'avance avec tout le plan, le déroulé, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier d'emmener, parce qu'on invite les gens à venir bivouaquer, donc. Et en général, on les invite pour une durée minimale de 24 heures. Avec comme critère que toute personne qui vient a le droit de s'inscrire sur le moment. On ne fait pas de sélection, on ne fait pas de pré-inscription. Et puis, le but, c'est qu'on arrête l'événement et on repart seulement une fois que toutes les personnes qui sont présentes ont dit ce qu'elles avaient à dire. Ou alors, quand on n'a plus de batterie. Cette année, ça a été un grand changement par rapport à cette deuxième clause du contrat, c'est qu'on est passé au solaire. Donc, la question de la batterie, on aurait pu durer encore pendant une semaine. Mais par chance ou par malchance, je ne sais pas, mais peut-être un peu des deux, on s'est arrêté au bout de 27 heures cette année, en continu, donc sans s'arrêter. Et donc, voilà, les gens sont venus le jour J, On leur avait donné rendez-vous à une date précise, à une heure précise, à un endroit précis. Ils sont montés avec leur petit matériel sur leur dos. Ils ont fait une heure de marche, comme nous la veille, pour préparer. Et puis, ils nous ont rejoints. On avait installé une régie. Et l'idée, c'est ça, c'est que chacun est autonome avec sa tente, avec son matériel pour se nourrir et faire sa vie le temps de l'événement. Et puis, son matériel pour jouer. Et une petite radio pour écouter. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a un petit, ou grand, parce que cette année, ça a été grand, campement qui s'organise comme ça, à l'improviste, et se succède à l'antenne de voilà, ce petit studio à ciel ouvert que nous, on installe pour accueillir les gens, se succède bah, toutes les personnes qui sont venues pour jouer quelque chose. Et ça s'arrête quand tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Telles qu'elles arrivent lorsqu'elles semblent en arrière-plan. 2. Obtenir pour chaque situation au moins deux versions. Une analyse à partir de son propre état émotionnel. Une autre à partir de la moyenne des états émotionnels entrant en jeu à ce moment. 3. Pouvoir imprimer un schéma de son raisonnement et des connexions neuronales actives à ce moment, en couleur, dans différents contextes. Des cerveaux-filtres pour redistribuer une information traitée. 6. Obtenir un certificat d'aptitude au réel. 7. Penser courbe pour ne pas rater un virage. J'épouse la forme de mon environnement. 8. Mettre en place un couvre-feu sensoriel. 9. Ranger le libre-arbitre dans la case croyance. Ranger la case croyance dans le dossier déviance. 11. Vider sa carte mémoire tous les soirs, par sens de la disponibilité. 12. Être constamment en collision avec un bout de l'avant et un bout de l'avenir. 13. Répéter ses attitudes d'échanges sociaux. 14. Ne pas banaliser le banal. 15. Entrer en narration avec l'illogisme. S'hybrider avec son environnement au point de se déformer. 17. S'hybrider au point de voir à travers les murs, les cerveaux, les gaz lacrymogènes et les éclats de rire. 18. Observer face à quelqu'un constamment deux versions. L'une en fonction de son état actuel, incluant peur, ivresse, sommeil. L'autre en fonction d'une moyenne de tous les états référencés de cette personne. 19. Couvre-feu sensoriel, arme massive gouvernementale. 20. S'ennuyer à mourir et rester éveillé par principe. 21. Donner de son temps pour broyer le cœur des autres, un futur métier. 22. Un département des informations inutiles, classées et archivées. 23. Des vaccins anti-glitch. 24. Des vaccins anti-données corrompues. 25. L'imperméabilité devient médium, c'est mon nouveau langage. 26. Des vaccins pro-figuratifs. 27. Bientôt un enregistrement du trémolo du silence. 28. Être entier par dissolution dans le tout. 30. Une banque des émotions. 32. Psychologie sensorielle. Ton genou parle à ton amère. 33. La contradiction des réseaux de communication. Se confronter au vide pour pallier le manque. 35. Des murs perméables en carton fin. Mes pensées résonnent dehors quand la pluie résonne dedans. 37. Sourire à la caméra. Dédoublement vers le futur. 39. Cloner l'empathie. 40. des allocations pour les clones ratés. 43. Une alternative à l'alternative. 44. La sérendipité comme croyance officielle. 50. Imprimer des plans d'architecture à partir de rêves collectifs. 51. Archéologie du futur. Étude de la matérialité. 54. Ne réussir ni à travailler ni à partir en vacances. Circuit fermé d'énergie. 56. Insomnie à deux branches. Les chômeurs n'arrivent pas à s'endormir quand les cadres n'arrivent pas à rester endormis. Au cours des 10 dernières années, est-ce qu'il s'est dégagé tout de même des lignes directrices dans certaines éditions? Est-ce qu'il y a une dialectique entre les propositions ou si on est vraiment dans un univers très éclaté? Alors, moi, j'ai l'impression, par rapport aux premières éditions, on s'est un peu tous fait radiophoniser le siphon, à savoir que il y a un équilibre qui s'est créé entre les propositions instrumentales et les propositions vocales, qui cette année était particulièrement bien, mais textuel plus que vocal. Il y a à peu près 50% de propositions textuelles, ce qui n'était pas le cas au début. Et voilà, là il y a le médium radiophonique qui en a aspiré quelques-uns dont je fais partie vers le texte. Donc c'est vraiment une activité qui proche des arts littéraires. Est-ce qu'on est dans cet univers? Comment on le qualifierait, la trame de fond? Est-ce qu'elle est poétique? Est-ce qu'elle est politique? Il y a tout de même une radicalité, je dirais, qui s'exprime par rapport à ce qu'on peut entendre sur les ondes en général, même dans les radios les plus ouvertes. Oui, c'est compliqué parce qu'effectivement c'est vraiment les gens qui font l'événement et donc comme disait Maya, il y a aucune sélection. Donc c'est l'effet du réseau, c'est ce que produit notre réseau au sens vraiment élargi, étendu, ouais. Un regroupement de gens qui ont un goût, une acquaintance avec la montagne et qui ont envie de venir, qui sont curieux de, parce que c'est pas que des randonneurs qui viennent, donc il y a des gens pour qui il y a une dimension qui est aussi assez impressionnante, simplement à aller bivouaquer à 1500 mètres d'altitude et à s'éloigner comme ça de la civilisation. Surtout cette année, on a eu un démarrage avec un très bel orage à l'horizon qui nous fonçait dessus, qu'on a dévié parce que voilà, on a des fois ce pouvoir et il nous est passé à gauche et à droite et c'était incroyable. Je sais pas bien comment ça fonctionne cette alchimie, parce que c'est les gens qui viennent, c'est les gens qui donc aussi au regard de leur proposition, et donc ils sont les seuls à la connaître, choisissent l'heure à laquelle ils ont envie de la faire. Ce qui fait que il y a eu des années où c'était plus ou moins heureux, où des fois à un moment il y avait beaucoup de propositions textuelles qui suivaient, puis il y avait une certaine lassitude, ou beaucoup de propositions sonores qui suivaient, pareil. Et ça s'équilibre de toute façon tout à fait admirable. Je sais pas, il y a une espèce d'autorégulation comme ça qui est un peu magique. Et après, esthétiquement, la seule limite qu'on met, parce que quand même on en met une, c'est étant donné que c'est un studio qui est à ciel ouvert, et donc il y a une des caractéristiques d'un studio de radio qui n'y est pas, c'est les murs, ce qui fait qu'on n'est pas isolé du reste. Et donc les propositions qui seraient un peu vraiment sonores, acoustiques, un instrument acoustique joué de façon conventionnelle, porteraient et recouvreraient complètement les radios, et on perdrait cette question de l'écoute vraiment radiophonique. Donc on demande à ce qu'il n'y ait pas de propositions sonores qui soient là, des propositions acoustiques dont le son acoustique dépasserait le son d'une radio qui serait posée à un mètre du musicien. Donc ça limite quand même beaucoup. Voilà, mais après ça permet toutes les pratiques qui rentrent dans des, je sais pas comment on les appelle, le micro-son ou ce genre de choses. Voilà, ça fait quand même un guide un peu sur une esthétique. Après, sur la façon dont ça se construit et politiquement les contenus, etc., c'est l'histoire de chacun des participants et du bagage que chacun ramène. Yeah, Jean-Max. Yeah, j'avais des rêves, mais je les toucherai sûrement jamais, comme votre traite. Tout à refaire, il n'y avait pas d'Adam, il n'y avait pas d'Ève, pas de nid de Lucifer. Pour ceux qui errent enfermés dehors, pour ceux qui dorment les yeux ouverts, que ta chaîne soit d'or ou de fer, nous allons vers l'abattoir. Le monde va brûler dans un dernier espoir de voir l'être humain changer. On marche sur un fil, les yeux bandés. Que tu aies du style ou pas, nous sommes branchés. Et ça fera bizarre comme une végane qui épouse un boucher. La fin arrive, tu seras bouche bée. Tu regretteras tant où t'entendais les oiseaux chanter, la rivière ruisseler. Face à la mort, nous serons esselés. J'avais des rêves, mais je les toucherai sûrement jamais. Comme votre traite, tout à refaire, il n'y avait pas d'Adam, il n'y avait pas d'Ève, pas Dieu ni de Lucifer, pour ceux qui errent enfermés dehors, pour ceux qui dorment les yeux ouverts, que ta chaîne soit d'or ou de fer, nous allons vers l'abattoir. Le monde va brûler dans un dernier espoir de voir l'être humain changer. On marche sur un fil, les yeux bandés. Que tu aies du style ou pas, nous sommes branchés. Et ça fera bizarre comme une végane qui épouse un boucher. La fin arrive, tu seras bouche bée. Tu regretteras tant où t'entends des oiseaux chanter, la rivière ruisseler. Face à la mort, nous serons esselés. J'avais des rêves, j'aimerais me sentir mes poumons se remplir à nouveau d'air. Vos systèmes donnent un goût amer à cette vie. J'ai connu ce vide, j'ai connu dans ma vie. Et ouais, j'ai baisé toutes sortes de filles. Comme une étoile, je file. Donc fais un vœu si tu me vois passer sous tes yeux. Qu'atteint triste sera leur destin. Me demande pas de te faire un dessin. J'ai un tasse dans les intestins. Je m'en fous de ton champagne, je m'en fous de ton festin. T'as la même Rolex que Trump, crétin. Trop de mecs qui brillent, mais dans le fond sont éteints. J'ai connu le luxe, j'ai connu la rue. Et les deux sont des putes. Le bonheur est tout nu dans les vagues. Je vogue en écoutant le vent et me vante d'avoir rien, juste mon sourire bancal. Loin du banal, je me suis promis. Souvent je me languis, qu'atteint bouche comme une anguille. Et fais-moi oublier l'aiguille qui s'enfonce dans ma veine. Ah putain, j'avais des rêves, mais j'y toucherai sûrement jamais. Comme votre traite, salope, tu n'es pas prête, non, tu n'es pas prête, y'a trop de choses pas nettes, mais qu'est-ce qu'on est bien dans le paraître, pourtant les vrais ont la gueule par terre, mon texte, ma cam, c'est du par cœur, et si je t'aime qu'atteint, c'était juste par peur, d'être seul face à l'inconnu, si seulement j'avais demandé à la lune de compter ma thune avec amertume, mon tel, mon pouce, sans remplacer caillé la plume, poète du bitume qui hume du popper, fuck les problèmes, je viens d'une vie de bohème, moi je viens d'une galaxie lointaine, je voulais juste faire danser les fous et les femmes fontaines. Alors ouais. Vous écoutez CKRL 89.1. La croche-oreille. Alors voilà, c'est la croche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL 89.1. Je reçois ce soir les artistes Emma Loriot et Julien Claus, deux créateurs passionnés par la performance radiophonique, le mystère des ondes invisibles qui nous environnent et par cette idée particulièrement singulière d'une radiophonie de proximité, là où le diffuseur radio et l'auditeur se retrouvent réunis dans un même espace pour une interaction d'écoute et de regard mutuel, une expérience qui prend tout son sens dans le cadre de ce bel événement qu'ils organisent chaque été dans le sud de la France. Ça se passe en montagne, l'événement intitulé Modulation, un événement qui consiste à réunir des artistes et du public autour de projets d'art et de poésie sonore, tout ça relayé par un émetteur de faible puissance que l'on capte sous la tente, sous un arbre, sous le ciel étoilé. Vous voyez ce contexte un peu fabuleux. Alors, Modulation tenait sa 10e édition cet été. Julien Clauss et Emma Loriot nous en racontent les péripéties à l'instant. Julien Emma, quelle serait la caractéristique de ce projet de modulation? Il y a quelque chose aussi qui est en lien avec la radiophonie. Et je vais vous entendre là-dessus. Il y a deux éléments avec la radio. Il y a celui qui a été le plus soudain quand le projet a été mis en route. C'est que en se plaçant trois radios autour de soi, donc qui émettent le même son sur la même fréquence, pour peu que ce soit des radios un peu différentes et en équilibrant les volumes, on crée un espace sonore ou comme pour reprendre l'expression d'une compositrice qui s'appelle Pomme Bouvier, on fait une sorte d'acousme minable, à savoir un tout petit acousmonium, vraiment de voilà. Et trois radios suffisent pour ça, pour construire un espace et produire une qualité d'écoute spatialisée qui est à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, qui est étonnante et bluffante, parce qu'on est dans le paysage et qu'il y a un bruit de fond qui est très bas, et du coup, malgré la petite dimension des postes radio, il y a une dynamique qui est impressionnante. Ah, donc ça c'est la première chose. Et avec aussi le fait que c'est les radios des gens, donc ils les déplacent. Donc il y a quelque chose qui se renouvelle en plus au long des 24 heures dans l'écoute, parce que c'est pas un dispositif qui est figé, c'est un dispositif qui va bouger avec les gens. La deuxième dimension, c'est quelque chose voilà, qui est plus là maintenant, qui est plus documenté. Il y a le livre sur Tetsuo Kogawa qui a mis en œuvre Pali Morceau, qui vient de sortir en français, qui le raconte bien. Moi, j'ai découvert ça aussi après le coup, et il théorise très bien ce qui s'est mis en jeu quand il a fait ses micro-radios au Japon dans les années 80 et 90 avec sa radio Home Run, avec cette intrication d'un studio qui devient à la fois un lieu d'émission et un lieu de production, et comment on y rentre et on y sort. Et Modulation, je pense, du coup, a très très fortement à voir avec ça, avec cette particularité que c'est un studio qui n'a pas de mur, donc on y rentre et on y sort encore plus facilement. Nous révélerons que la fonction du système nerveux consiste essentiellement dans la possibilité qu'il donne à un organisme d'agir, de réaliser son autonomie motrice par rapport à l'environnement, de telle façon que la structure de cet organisme soit conservée. Pour cela, deux sources d'informations lui sont nécessaires. L'une le renseigne sur les caractéristiques changeantes de l'environnement qui sont captées par les organes des sens et lui sont transmises. L'autre le renseigne sur l'état interne de l'ensemble de la communauté cellulaire organique dont il a mission de protéger la structure en permettant l'autonomie motrice. Bien que le terme d'équilibre soit faux, ou du moins qu'il exige une assez longue diversion pour en préciser le contenu, nous parlerons de recherche de l'équilibre organique, d'homéostasie, ou dans un langage plus psychologique, du bien-être, du plaisir. Pourquoi ces néons blafards nous donnent l'impression de gambader sur la Lune? Faisons-nous vraiment ces bonds de 6 mètres, ou est-ce une illusion? Peux-tu recommencer à m'embrasser, s'il te plaît? Cela te dérangerait que... Tu accepterais que... C'était bien? C'était très très bien. Tokyo, Shanghai, Amsterdam, Madrid, Édimbourg... Colombo, Oslo, Berlin. Chaque ville est-elle une question? Regrettes-tu les avions qui envolent ou qui s'envolent au bout de la piste? Sais-tu qu'à leur bord il y a des hôtesses bleues qui servent probablement les premiers plateaux repas sous cellophane à des businessmen? Entends-tu les annonces de départ égrenées d'une voix monocorde par une hôtesse triste précédée d'un jingle électronique? Puis-je caresser encore un peu tes lèvres? Qui de nous deux partira le premier? Pourquoi, oh pourquoi il faut se dire adieu? Enfin, chez l'homme, l'imaginaire peut, à partir de notre expérience mémorisée, construire des scénarios tragiques qui ne se produiront peut-être jamais, mais dont nous redoutons la venue possible. Il est évidemment difficile d'agir dans ce cas, à l'avance, pour se protéger d'un événement improbable, bien que redouté. Autre source d'angoisse par inhibition de l'action. Même en écarquillant les yeux, l'homme ne voit rien. Il tâtonne en trébuchant sur la route obscure de la vie, dont il ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. Il est aussi angoissé qu'un enfant enfermé dans le noir. C'est la raison du succès à travers les âges, des religions, des mythes, des horoscopes, des rebouteux, des prophètes, des voyants extralucides de la magie, de la science. Grâce à ce bric-à-brac ésotérique, l'homme peut agir. Du moins, il ne demande qu'à le croire pour soulager son angoisse. Mais dès sa naissance, la mort lui passe les menottes au poignet. Dites-moi, Emma et Julien, modulation après 10 ans, c'est tout de même un matériel important que vous avez archivé. Comment on y a accès à cette... Alors, c'est assez simple. On y a accès de deux manières, aux archives sonores et pas que les archives sonores, puisque sur le site du projet, il y a aussi toutes les photos qui nous permettent de voir les différentes ambiances chaque année, le nom de toutes les personnes qui ont participé à l'événement, au dispositif depuis la première année, etc. etc. Et donc l'adresse du site, c'est 108mhz.wordpress.com. Et donc voilà, ça c'est vraiment le site du projet. Et en parallèle, sur Pinode, il y a un flux qui diffuse en continu et en boucle toutes les archives de toutes les éditions, les unes après les autres. Oui, c'est assez complémentaire. On conserve d'un côté le côté un peu cryptique, cher à Pinode, de se retrouver dans un bain sans savoir forcément quelle est la température de l'eau dans laquelle on met le pied. Et puis de l'autre côté, c'est, sachant que c'est des blocs d'une heure, c'est quand même, on se retrouve pas à devoir cliquer de façon incessante pour écouter. Oui. Mais, voilà. C'est Emma qui a sauvé toutes ces archives de l'oubli, je tiens quand même à le dire, parce que moi je n'avais pas encore commencé à faire ce travail là et moi j'avais commencé modulation en me disant aussi il n'y aura pas d'archives, ça s'écoute sur place, et donc j'ai fait deux éditions sans archives. Évidemment je le regrette amèrement, mais c'est comme ça, c'était fait pour. Mais voilà, donc on a les deux premières éditions sont non archivées et ça commence à l'année 3. On a simplement les photos et les noms des deux premières éditions. C'est vraiment l'idée de ici maintenant, et puis voilà, quand la chose est passée, c'est ça a été, comme le disait Roland Barthes dans La Chambre claire à propos de la photographie. Il reste que modulation a de l'avenir. Comment vous le voyez, cet avenir de modulation? Mais là, pour le coup, moi, je le vois de façon assez radieuse, cet avenir, parce que la 10e édition s'est vraiment bien passée. On accusait une certaine fatigue, nous non, mais en tout cas, ça devenait compliqué de faire se déplacer les gens. Les années précédentes, donc il y avait une certaine émulation qui avait tendance un peu à disparaître. Et là, cette année, ça a été sûrement aussi dû au confinement, à la situation post-confinement, à la situation aussi très singulière et au merveilleux moment qu'on a passé pendant le confinement sur Pinode. Donc il y a une communauté aussi qui s'est un peu ressoudée ou qui s'est retrouvée, qui a permis aussi de redynamiser le projet. Et donc voilà, ça a fait une très belle édition dans un lieu où on n'avait jamais été, que j'ai découvert aussi lors de promenades pendant le confinement, donc c'est quand même très très lié à tout ça. Et voilà, donc là on commence la prospection, et puis on en parle aussi à des amis randonneurs pour avoir des propositions de lieux. Julien, Emma, l'émission s'achève. Comment vous tirez d'affaire finalement en cette période un peu de confinement, ou en tout cas de limitation compte tenu de cette crise sanitaire? Votre travail, il se poursuit, votre travail, vous avez des pratiques artistiques singulières, chacun de votre côté. Comment vous négociez ça? Ça se poursuit au ralenti. Ce qui est bien, c'est que ça laisse plus de temps pour regarder pousser ses tomates et les ramasser dans son jardin. Et j'ai l'impression que, comme tout se décale pour 2021, pour l'instant, y a un peu un stand-by de se dire, bon, est-ce que ça va avoir lieu en 2021 ou pas, ou est-ce que ça va être encore repoussé? Donc, je dirais que c'est comme si on avait trouvé un rythme là ces derniers mois, se dire bon, on est un peu ralenti, mais finalement pourquoi pas. Et puis il y a l'expectative. Moi, j'ai que des réponses politiquement incorrectes sur cette question-là. Donc, voilà, on vit ça d'un endroit qui est singulier, un petit village sur une épaule de montagne à 1000 mètres d'altitude au bout de la route. C'est évidemment très, très particulier. Et de sentir que le monde est un peu plus calme autour, ça me va bien, à moi, vu d'ici. Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, qui s'accommodent de cette période de tranquillité forcée. Emma Loriot, Julien Clauss, grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre, fort agréable. Et puis, ce sera un grand plaisir de vous voir au Québec bientôt, en dépit de tout, parce que tout de même, les avionneurs souhaitent avionner et puis avec du monde dans leurs avions. Alors voilà. Ça sera avec grand plaisir si c'est possible. Si ça peut être en 9 jours de transatlantique, ce sera mieux, mais avec plaisir aussi. Oui. Et on se dit à la prochaine. Mais oui, puis aussi, on se dit. Ouais, salut, bye. Quadruple conjonction de la Lune, de Saturne, de Jupiter et de Pluton s'oppose plutôt en quinconce à Vénus. Qui brille moins fort que ce qu'on croit, mais elle est là. Exact mi-point de cette quadruple conjonction que forment la Lune, Saturne, Jupiter et Pluton opposés à Vénus. À l'exact mi-point, on a Mars, la planète en rouge. Thank you. s'abaisse vers le sud, l'axe de l'horizon pointe sur la gauche, dans le signe du Gémeaux. C'est l'ascendant. Et toujours sur l'horizon à son opposé, le signe du Sagittaire fait face. Voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir sur les sonorités du projet Modulation, 10e édition, 10e anniversaire de cet événement hors norme organisé par Julien Clauss et Emma Loriot, un événement présenté dans le sud de la France chaque été. Je les remercie amicalement de nous avoir permis la diffusion de ces expérimentations. Vous trouverez le titre des pièces entendues sur le site l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Le soleil était en Lyon. Au 9e degré, 37 minutes d'arc, 12 secondes. La lune était en bélier à 25 degrés, 47 minutes d'arc, 25 secondes. Mercure en vierge, 6 degrés, 25 minutes, 25 secondes. Vénus en vierge, 24 degrés, 36 minutes, 46 secondes. Mars en balance, au premier degré, 50 minutes d'arc, 20 secondes. Jupiter en bélier, 3 degrés, 15 minutes, 15 secondes, rétrograde. Saturne en balance au 0 degré, 58 minutes, 23 secondes. Uranus en bélier, 0 degré, 18 minutes, 1 seconde, rétrograde. Neptune en verseau, 27 degrés, 47 minutes, 27 secondes, rétrograde. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL. Quatre-vingt-neuf, un.